Chapitre 2e, le grand départ. Nos préparatifs et ceux de nos guides prirent environ 2 heures. Vers 8 heures, on nous amena nos mulets et nous partons enfin pour le chalet de la Pierre Pointue, situé à 2000 mètres d'altitude, soit 1000 mètres au-dessus de la vallée de Chamonix et 2800 mètres plus bas que le sommet du Mont Blanc. En arrivant à la Pierre Pointue vers 10 heures, nous y trouvons un voyageur espagnol, M. N., accompagné de 2 guides et d'un porteur. Son guide principal, nommé Paccard, parent du docteur Paccard, qui fit avec Jacques Balbin la première ascension du Mont Blanc, était déjà monté 18 fois au sommet. Monsieur N. se disposait lui aussi à en faire l'ascension. Il avait beaucoup voyagé en Amérique et traversé les cordillères des Andes du côté de Quito, en passant au milieu des neiges par les cols les plus élevés. Il pensait donc pouvoir, sans trop de difficultés, mener à bien sa nouvelle entreprise. Mais en cela, il se trompait. Il avait compté sans la verticalité des pentes qu'il avait à franchir et sans la raréfaction de l'air. Je me hâte d'ajouter à son honneur que s'il réussit à atteindre la cime du Mont Blanc, ce fut grâce à une énergie morale bien rare, car les forces physiques l'avaient abandonné depuis longtemps. Nous déjeunâmes à la Pierre Pointue aussi copieusement que possible. C'est une mesure de prudence, car généralement l'appétit disparaît dès qu'on entre dans les régions glacées. Monsieur N. partit avec ses guides vers 11 heures pour les grands mulets. Nous ne nous mîmes en route qu'à midi. À la Pierre Pointue cesse le chemin de mulets. Il faut alors gravir en zigzag un sentier très raide qui suit le bord du glacier des Bossons et longe la base de l'aiguille du Midi. Après 1 heure d'un travail assez pénible, par une chaleur intense, nous arrivons à un point nommé la Pierre à l'échelle, situé à 2700 mètres. Là, guides et voyageurs s'attachent ensemble par une forte corde, en laissant entre eux un espace de 3 à 4 mètres. Il s'agit en effet d'entrer sur le glacier des Bossons. Ce glacier, d'un abord difficile, présente de tous côtés des crevasses béantes et son fond appréciable. Les parois verticales de ces crevasses sont d'une couleur glauque et incertaine, trop séduisante à l'œil. Quand, en s'approchant avec précaution, on parvient à pénétrer du regard leur profondeur mystérieuse, on se sent tiré vers elle avec violence, et rien ne semble plus naturel que d'y aller faire un tour. On s'avance lentement, tantôt en contournant les crevasses, tantôt en les traversant avec une échelle ou bien sur des ponts de neige d'une solidité problématique. C'est alors que la corde joue son rôle. On l'attend pendant le passage dangereux. Si le pont de neige vient à manquer, guide ou voyageur reste suspendu au-dessus de l'abîme. On le retire et il en est quitte pour quelques contusions. Parfois, si la crevasse est très large, mais peu profonde, on descend au fond pour remonter de l'autre côté. Dans ce cas, la taille des marges dans la glace est nécessaire, et les 2 guides de tête, armés d'un piolet, espèce de hache ou plutôt d'herminette, se livrent à ce travail pénible et périlleux. Une circonstance particulière en l'entrée des Bossons dangereuses. On prend le glacier au pied de l'aiguille du Midi et en face d'un couloir où passent souvent des avalanches de pierres. Ce couloir a environ 200 mètres de largeur. Il faut le traverser promptement et pendant le trajet, l'un des guides fait la faction pour vous avertir du danger s'il se présente. En 1869, un guide fut tué à cette place et son corps, lancé dans le vide par la chute d'une pierre, alla se briser sur les rochers à 300 mètres plus bas. Nous étions prévenus. Aussi hâtons-nous notre marche autant que notre inexpérience nous le permet. Mais au sortir de cette zone dangereuse, une autre nous attend qui ne l'est pas moins. Il s'agit de la région des Séracs, immense bloc de glace dont la formation n'est pas bien expliquée. Ces séracs sont généralement disposés au bord d'un plateau et menacent toute la vallée qui se trouve au-dessous d'eux. Un simple mouvement du glacier ou même une légère vibration de l'atmosphère peut déterminer leur chute et occasionner les plus graves accidents. Messieurs, ici du silence et passons vite. Ces paroles, prononcées d'un ton brutal par l'un des guides, font cesser nos conversations. Nous passons vite et en silence. Enfin, d'émotion en émotion, nous arrivons à ce qu'on appelle la jonction, que l'on pourrait nommer plus justement la séparation violente, par la montagne de la côte, des glaciers des Bossons et de Taconnais. À cet endroit, la scène prend un caractère indescriptible. Crevasses aux couleurs chatoyantes, aiguilles de glace aux formes élancées, séracs suspendus et percés à jour, petits lacs d'un vert glauque, forment un chaos qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Joignez à cela le grondement des torrents au fond du glacier, les craquements sinistres et répétés des blocs qui se détachent et se précipitent en avalanche au fond des crevasses, les tressaillements du sol qui se fend sous vos pieds, et vous aurez alors une idée de ces contrées mornes et désolées dont la vie ne se révèle que par la destruction et la mort. Après avoir passé la jonction, on suit pendant quelque temps le glacier de Taconnet, et on arrive à la côte qui conduit au Grand Mulet. Cette côte, très inclinée, se gravit en lacets. Le guide de tête a soin de les tracer sous un angle de 30 degrés environ quand il y a de la neige fraîche pour éviter les avalanches. Enfin, après 3 heures de trajet sur la glace et la neige, nous arrivons au Grand Mulet, rocher haut de 200 mètres, dominant d'un côté le glacier des Bossons, de l'autre les plaines inclinées de névé qui s'étendent jusqu'au pied du dôme du Goûter. Une petite cabane, construite par les guides vers le sommet du premier rocher, est située à 3050 mètres d'altitude, donne asile aux voyageurs et leur permet d'attendre à l'abri l'heure du départ pour le sommet du Mont Blanc. On y dîne comme on peut, et on y dort même, mais le proverbe « guide ordine » n'a aucun sens à cette hauteur, car on n'y peut faire sérieusement ni l'un ni l'autre. « Eh bien, dis-je à Levesque, après un simulacre de repas, vous ai-je exagéré la splendeur du paysage et regrettez-vous d'être venu jusqu'ici ?»« Je le regrette si peu, » me répondit-il, « que je suis bien décidé à aller jusqu'au sommet. Vous pouvez compter sur moi. »« Très bien, » lui dis-je, « mais vous savez que le plus dur reste à faire. »« Bast, » fit-il. Nous en viendrons bien à bout. En attendant, allons toujours voir le coucher du soleil, qui doit être magnifique. En effet, le ciel était resté d'une pureté remarquable. La chaîne du Brévent et des aiguilles rouges s'étendaient à nos pieds. Au-delà, les rochers des Fils et l'aiguille de Baran s'élèvent au-dessus de la vallée de Salanches et repoussent au troisième plan toute la chaîne des Monts Fleuris et du Reposoir. Plus à droite, le Buet avec son sommet neigeux, plus loin, la Dent du Midi, dominant de ses 5 crocs la vallée du Rhône, derrière nous les neiges éternelles, le dôme du Goûter, les monts maudits et enfin le Mont Blanc. Peu à peu l'ombre envahit la vallée de Chamonix et atteint tour à tour chacun des sommets qui la dominent à l'ouest. La chaîne du Mont Blanc reste seule lumineuse et semble entourée d'un nimbe d'or. Bientôt l'ombre gagne le dôme du Goûter et les monts maudits. Elle respecte encore le géant des Alpes. Nous suivons avec admiration cette disparition lente et progressive de la lumière. Elle se maintient quelque temps sur le dernier sommet, en nous donnant l'espoir insensé qu'elle ne le quittera pas. Mais au bout de quelques minutes, tout s'assombrit, et à cette teinte si vivante succèdent les couleurs livides et cadavéreuses de la mort. Je n'exagère rien. Celui qui aime les montagnes me comprendra. Après avoir assisté à cette scène grandiose, nous n'avions plus qu'à attendre l'heure du départ. Nous devions nous mettre en route à 2 heures du matin, chacun s'étend sur son matelas. Dormir, il n'y faut pas songer. Causer, pas davantage. On est absorbé par des idées plus ou moins sombres. C'est la nuit qui précède la bataille, avec cette différence que rien ne vous oblige à engager le combat. 2 courants d'idées se disputent la possession de votre esprit. C'est le flux et le reflux de la mer. Chacun l'emporte à son tour. Les objections à une semblable entreprise ne manquent pas. À quoi bon courir cette aventure? Si on réussit, quel avantage en peut-on retirer? S'il arrive un accident, que de regrets? Alors l'imagination s'en mêle. Toutes les catastrophes de la montagne se présentent à votre esprit. Vous rêvez pont de neige manquant sous vos pas. Vous vous sentez précipité dans ces crevasses béantes. Vous entendez les craquements terribles de l'avalanche qui se détache et va vous ensevelir. Vous disparaissez, le froid de la mort vous saisit, et vous vous débattez dans un effort suprême. Un bruit strident, quelque chose d'horrible se produit à ce moment. « L'avalanche, l'avalanche » criez-vous. « Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites ?» s'écrie Levesque, réveillé en sursaut. « Hélas, c'est un meuble que, dans le suprême effort de mon cauchemar, je viens de culbuter avec fracas. Cette avalanche prosaïque me rappelle à la réalité. Je ris de mes terreurs. Le courant contraire reprend le dessus, et avec lui les idées ambitieuses. Il ne tient qu'à moi, avec un peu d'effort, de fouler ce sommet si rarement atteint. C'est une victoire comme une autre. Les accidents sont rares, très rares. Ont-ils eu lieu même? De la cime, le spectacle doit être si merveilleux. Et puis, quelle satisfaction d'avoir accompli ce que tant d'autres n'osaient entreprendre. à ses pensées, mon âme se raffermit, et c'est avec calme que j'attends le moment du départ.